Je ne serai plus moi. Le cheval blanc tout doucement arrivé s'immisce dans mon sang. Le cheval blanc tout simplement m'élève au-dessus des gens rêvés. Partir, décrocher dans mes délires une trêve fragile dans mon monde immobile. Immobile. Que vienne le bon moment et se laisser surprendre. Attendre un coup à feu et au sang, attendre à ne plus rien entendre. J'ai été bien trop longtemps ton esclave, ton amant. Tu m'as manqué trop souvent, oui, fini par me tuer lentement. Voler, mentir, supplier une dose pour me guérir. Tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Mon avenir. De mon rang, le cheval blanc, tout simplement.